Tu vis ta vie dans tes fantômes, les yeux tournés vers le dedans. Ton futur écrit sur tes paumes, perdu chez ceux qui font semblant. C'est quoi l'idée? Dans tes rêves à deux dimensions, y'a rien de trop beau pour tes délires. T'es une télé pleine de vision, t'es comme une machine à désir. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? La vraie vie glisse entre tes doigts, comme un trésor de poussière d'or. T'es le rêveur qui vit à l'étroit. Qu'est-ce que tu fais avec un corps? Quand tu t'enfarges dans tes rêves, comme un somnambule étonné, tu pries bon Dieu que le jour se lève, pour que le cauchemar soit effacé. Qui a raison et qui a tort, dans le grand théâtre des jours qui passent? C'est quoi la vie, c'est quoi la mort, quand tout ce que t'as bâti se casse? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Tu vas dire quoi à tes enfants, quand t'es pas sûr de rien toi-même? Vas-tu leur léguer tes problèmes? C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Donne-leur envie de prendre une chance avec ceux qui votent pour l'amour. Lève le rideau des apparences pour que le grand mystère soit moins lourd. Rappelle-toi de quand t'étais tout petit, combien la nuit était épaisse. Dis-leur ce que tu sais de la magie, pour qu'un peu de lumière apparaisse. Lorsque tu sais de la magie, pour qu'un peu de lumière apparaisse.